Je vois juste dans les bacs, ça va faire mal. Fais pas ton malin, sinon je te ragale. Écoute frérot, ça vient de Bordeaux. Moi je représente le 33BX. Mais je fais pas comme des gens qui vivent dans des films et X. Y'a des femmes qui se prennent pour des bonhommes, mais moi j'en tire une balle dans Sternop. Écoute frère, moi c'est KL du 33. Je représente 2MG, 2MG frère. Ma vie est dure, sera comprise. Dans ce ballon de school où je me rends compte que les dabliers viennent des poules. Nous décoquent avec la cam. Ça range sur les coups de bâton. Elle devient pour moi, ça sent pas bon. C'est ce coup de chute et j'ai l'ol du monde. Risque de se faire dépêcher sur une marge aussi longue. Sur un palan aussi tout excellent. Le penche, je la casse, brille la chaîne. 2MG, tant que depuis son talent. Sur une marge aussi longue, sur un son lent. Putain, aussi tout excellent. Ok frère. C'est bon.